8 ans déjà, depuis ton départ. 8 ans déjà que le ciel nous sépare. Tu sais combien au début c'était difficile. Je pleurais sans fin, tu me laissais en exil. De nos souvenirs d'autrefois, nos éclats de rire que je revois. Déjà, depuis ton départ, 8 ans déjà que le ciel nous sépare, ça me faisait si mal de devoir accepter cette fin pas idéale, de ne plus rien partager. Je sais que l'on se reverra dans cet autre monde-là, où rien n'est pareil qu'ici-bas. Les jours y sont bien plus beaux. C'est le fruit de l'amour que l'on a su donner. Peut-être la vie pour toujours, seulement si on l'a mérité. Mérité. Déjà depuis ton départ, 8 ans déjà que le ciel nous sépare. Au fil des semaines, au fil des mois, j'ai surmonté mes peines, j'ai écouté ta voix. Déjà depuis ton départ, 8 ans déjà que le ciel nous sépare. Depuis chaque jour, je suis cette boussole en moi, cette lumière qui brille, cette étoile en qui je crois. Cet autre monde là-haut, rien n'est pareil qu'ici-bas. Les jours y sont bien plus beaux. C'est le fruit de l'amour que l'on a su donner. Peut-être la vie pour toujours, seulement si on l'a mérité. déjà depuis ton départ. 8 ans déjà que le ciel ne sépare. Pourquoi j'ai l'impression que l'on doit souffrir, être fragile pour de bon, afin de découvrir notre âme vers d'autres horizons, notre âme plus loin que la raison. Déjà depuis ton départ, 8 ans déjà que le ciel ne sépare. 8 ans sans toi et moi je.